Alors, pour faire plaisir à Boudine. En train de faire une fellation. Et pour faire plaisir à Miko. De lui lécher le sexe. Qu'est-ce que c'est?